Alors, deuxième cours sur Gittin, page Tzadik Amoud Aleph, la Mishnah. On continue, on attaque la Gemara, qu'on avait déjà commencé. Et ce shiur est pour les soldats des Eretz Israël qui sont en train de se battre en ce moment. Et Bezat Hashem pour le Rifoshema Nissim Ben Aviva. Et de la Hatzlacha du soldat que je sponsor, Uriel Yehuda Ben Tzvia. Bezat Hashem. Et que de bonnes choses. Et Rifoshema de Yael Bat Rosali. Nissim Ben Aviva. Voilà, on commence. Bon, alors, on continue à la page 90 d'Av Tzadik. Après avoir discuté de la Mishnah, on avait parlé des trois opinions quand est-ce que le cas où une personne est permise de divorcer sa femme. On a rapporté que Beit Shammai, ils ont dit que Loïd Garesh, qu'une personne ne peut pas divorcer la femme à moins qu'il trouve une conduite immorale. Ouais. Selon Beit Hillel, c'est selon l'interprétation de Rashi, même si elle lui a brûlé son repas, par exemple. Igdir hatafshilo, Beit Hillel disent. Rabbi Akiva dit, même s'il trouve une plus jolie que elle, il peut la divorcer. Maintenant, tous ils sont en train de se baser sur le même verset. C'est très intéressant parce que le verset, on avait parlé aussi de la semaine passée. Oui, ce verset, il parle. Qui matza ba erbat davar. Dans la choule. Refoulé. Ah, ça va bien. Il avait dit 8 heures. Plus tard, on va discuter que le misbeh, il pleure quand un homme divorce sa femme. C'est ça. Alors, il faut comprendre. Ça, c'est la Mishnah. Ça, c'est comme si on va à la cour et on voit l'instruction du procès. C'est ça. Le procès n'est pas fini encore. On instruit. Instruction. What's going on? Why are we here? Alors, la Gemara, maintenant, elle va en discuter exactement. Chacun est sa source. C'est quoi la source? Comme on avait rapporté qu'ils sont tous basés sur le même verset. Mais exactement, c'est quoi la discussion? Tanya Amrou, Beit Hillel et Beit Shammai. Alors, Beit Hillel, ils ont dit à Beit Shammai. Valok Varnehemar Davar. Dans le verset. Une chose. Dans le verset, qu'est-ce qui est écrit? Vous n'avez pas le verset devant vous. Je ne sais pas si vous avez les versets. Est-ce que vous avez un Torah Or HaShalem? Vous avez très bien le Torah Or HaShalem. Si vous regardez ici. Voilà, Torah HaShalem, ça c'est le verset qu'on va se baser. Alors le verset il dit, c'est ça. Ki kachi shisha ou va'ala. Si un homme prendrait une femme et va cohabiter avec elle, va'ya imlot imtsa chem benav. Et voilà qu'elle ne trouve pas grâce à ses yeux. Pourquoi elle ne trouve pas grâce à ses yeux? Ki matsa ba ervat davar. Puisqu'elle a trouvé quelque chose de immoral. Hein? Ervat davar, c'est oui. Ah, alors maintenant c'est une question. Le Beit Shammai, ils disent comme ça. Ervat davar, c'est une seule chose. Il a trouvé quelque chose de immoral. Beit Hillel leur dit, mais une seconde. Dans le verset, c'est écrit ervat davar, qui veut dire ça soit ou erva, quelque chose de immoral, ou quelque chose d'autre. Une chose d'autre. Ça veut dire l'interprétation du verset de Beit Hillel est pas exactement comme Beit Shammai. Beit Shammai le prennent comme une seule chose. Un davar de erva. Alors que Hillel, il te dit ces deux choses. Voilà. Alors, je reprends la Gemara. Tani Amar Beit Hillel et Beit Shammai, Valok Varne Amar Davar. Beit Hillel, ils ont dit à Beit Shammai. Dans le verset, c'est écrit davar. C'est pas juste écrit erva. Qu'est-ce qu'il leur répond, Beit Shammai? Beit Shammai, Amroula et Beit Shammai. Beit Shammai leur dit, Valok Varne Amar Ervat. Mais c'est vrai que c'est écrit davar. Mais ervat davar, c'est pas écrit quelque chose d'immoral, c'est pas juste ervat ou davar. Amrou la Beit Hillel, il neemar ervat velo neemar davar. Maintenant, Beit Hillel, ils vont expliquer pourquoi on a besoin de ervat et de davar. Pourquoi on a besoin de ces deux mots dans le verset pour nous expliquer deux différentes halakhas. Et ils disent comme ça. Si le verset aurait juste écrit Ervat, Velo Neymar Davar, et qui n'aurait pas écrit Davar, a été Omer, Mishum Erva Tetse, Mishum Davar Lo Tetse. C'est vrai, si le verset il aurait dit Veilo Matzachem Benav, Ki Matzah Ba Ervat, Veshalcha, etc. Alors j'aurais pu penser, jusqu'à quand il trouve quelque chose de immoral dans sa conduite, là, il peut la divorcer. Le Charnemar, c'est pour cela, le verset, il continue, il dit non. C'est ou Ervat ou Davar. Ou ça soit qu'il trouve quelque chose de immoral, ou il trouve quelque chose qui ne lui plaît pas. Quelque chose qui ne lui plaît pas. Comme, comme la réponse de Bethil, elle, qui dit qu'il lui a brûlé son repas. C'est un Davar. Il y a un problème avec le statement de Bethil, elle, parce que c'est Ervat Davar. Il y a un accord entre le Ervat et le Davar. Il y a un problème avec Beth Hillel au départ. 100%. C'est ça que ce que Beth Shammai leur dit. Ah, ok. Beth Shammai leur dit, seconde, est-ce que c'est écrit juste Erva? Erva, Erva Davar. C'est ça. Une chose qui s'accorde avec le... 100%. Ok. C'est ça. Maintenant, Beth Hillel ne sont pas finis. Leur disent les marques de ville ou les marques Davar. Si le verset, il aurait juste écrit Davar... Veilou Neymar Davar, Velo Neymar Ervat, et ça n'aurait pas été écrit Ervat, ça veut dire le verset aurait dit comme ça. Ki Matza Velo Timtsechen Benav, Ki Matza Davar. Il a trouvé quelque chose, là j'aurais dit comme ça. Veil Aïti Omer, Mishum Davar Tinasel Acher. J'aurais pu comprendre que s'il a trouvé quelque chose, par exemple qu'elle a brûlé son repas, là. Elle peut se marier avec quelqu'un d'autre. Ou Mishum Erva Lotina Selacher. Mais s'il a trouvé une conduite immorale, elle serait interdite de se remarier à quelqu'un d'autre. Chaknemar Ervat. Ça veut dire, parce que le verset, on ne le rapporte pas ici, mais dans le verset, c'est écrit plus tard, qu'est-ce qu'il écrit? Vekatav la get kritut, et Vekatav la sefer kritut, et il va lui écrire un get, Venatan beyada, il lui donnera dans sa main, Veshalcha bibito. Oui, c'est la suite du pasouk. Et la suite du pasouk, c'est qu'est-ce qu'il écrit? Vealcha veaita le ishacher. Et elle partirait, elle se remariait avec un autre homme. Ça pose un problème, un problème sur la chaune. Alors, je vais juste finir le point. Ouais. Alors, ça veut dire que selon Beth Hillel, ils disent comme ça. Si ça a été écrit d'avare, j'aurais pu penser, elle peut se marier avec quelqu'un d'autre parce qu'il n'a pas trouvé quelque chose d'immoral. Il a juste trouvé quelque chose qui ne lui plaît pas personnellement. Mais, alors là, elle peut se remarier avec un autre homme. Mais si il aurait trouvé quelque chose d'immoral, on aurait dit, elle n'a même pas le droit de se marier avec un autre homme. Vient le passage qui dit, Ervat d'avare. Et vient nous enseigner que s'il trouve quelque chose de même s'il trouve quelque chose de immoral, il peut se marier avec quelqu'un d'autre. Alors c'est venu me enseigner les deux choses. Oui. Excusez-moi, monsieur Lastry, qu'est-ce que vous voulez? Vous allez demander quelque chose? Non. Ça cause un problème dans le verset. Tout simplement parce que le verset aurait pu dire. Parce que à part. Zvar Erva. Zvar Erva. Ok, elle aurait pu. On aurait pu dire, il l'a trouvé en train de parler avec un homme dans le chouk, ou alors elle s'est décoiffée, ou alors ça, on va parler de ça. Se décoiffer et dans le chouk, elle a mal répondu, elle a pas eu. Mais il y a beaucoup de choses qui ont à voir avec Tzniout, qui n'ont pas à voir avec. 100%. Alors j'aurais pu en d'autres mots. Si on aurait dit que c'est juste Ervat Davar, c'est juste une Erva, comme Beth Shammai, selon l'opinion, alors le verset aurait pu dire Ve'im, Vaya Imlo Titsachem Benav, Kimatsaba Dvar Erva. Davar Erva. Au lieu de dire Ervat Davar. Alors Dvar Erva, j'aurais dit, c'est comme Beth Shammai. Oui, mais c'est vrai. S'il avait dit Dvar Erva, là on a un problème, elle ne peut plus se remarier. Alors que là, Dvareva, vraiment, c'est grave. Ok. Alors, on peut se remarier. Comment tu vas dire, celle-là, maintenant, elle est condamnée, celle-là. Alors, ça veut dire, selon. Tu ne peux pas lui donner. Qu'est-ce que tu vas lui donner le guet? Elle va mourir parce qu'il a. Alors. Non, une seconde. Non? Une seconde. Je sais où vous allez avec ça. Okay. Maintenant, on a plusieurs choses qui se passent ici dans le Mara. Ce qu'on va apprendre, que c'est quand est-ce qu'il y a une obligation, quand est-ce que l'homme a une obligation de divorcer sa femme? L'obligation, ça veut dire, quand je dis obligation, ça veut dire... Il ne peut pas rester avec elle. Il est interdit de rester avec elle. Comme un Cohen qui trouve une femme qui était une broucha. C'est elle était mariée quand elle avait deux ans, il ne savait Voilà. Il est obligé, il ne peut pas rester avec elle. Il ne peut pas rester avec elle. Maintenant, une autre chose, quand est-ce que ça devient une mitzvah de la divorcer? Mais c'est toujours... Pas une obligation. Regardez, je fais une distinction entre une obligation à une mitzvah, à une permission. Okay, trois choses. Trois choses qui se passent ici qu'on va voir qu'il y a une obligation. Le seul temps qu'il y a une obligation selon toutes les opinions, le seul temps qu'il y a une obligation selon... C'est selon qu'il y a une obligation selon toutes les opinions, c'est quand il y aura deux témoins. Mais on va arriver. On va arriver à ça, mais je vais juste dire qu'il y a au moins trois situations. Obligation, mitzvah, permission. Concernant le... Maintenant, selon la conclusion, selon Beit Hillel, jusqu'à ce point, c'est que Beit Hillel dise, nous on apprend, Erva Davar, ça vient nous enseigner deux choses. Ça vient nous enseigner que, premièrement, il a le droit de divorcer avec elle, même s'il trouve quelque chose qui ne lui plaît pas, comme elle a brûlé son repas. Une conduite qui ne lui plaît pas. Maintenant, Beit Hillel te disent, mais si tu trouves juste une autre femme plus belle que elle, ça va pas arrêter. Tu vas toujours trouver peut-être une autre femme plus belle que elle, que ta femme. Alors, à chaque fois, tu vas te divorcer, te remarier, divorcer. Non, si c'est juste parce qu'elle te plaît. Mais une conduite qui ne te plaît pas, c'est une autre chose. Et une autre chose que Beit Hillel vient apprendre, que Ervat s'est venu nous enseigner que même s'il a trouvé une Dvar Erva, quelque chose d'immoral, et il la divorce, elle peut se marier avec quelqu'un d'autre. C'est les deux choses qu'elle nous enseigne. Tandis que Beit Shammai, ils apprennent juste une seule chose. Que quand est-ce qu'il a le droit de divorcer sa femme? C'est juste quand il trouve quelque chose d'immoral. Mais Ervat Davar, ça veut dire encore qu'elle a trompé? Ça veut dire quoi exactement? Non, pas nécessairement. Il y a beaucoup de comportements immoraux d'une femme, elle va se décoiffer. Elle va se montrer l'épaule ou elle va se... Ah ok, un manque de tzniut, c'est ça ce qu'on veut dire? Beaucoup d'autres problèmes. Peut-être qu'elle a parlé au chouk avec quelqu'un qui ne savait pas parler. Ça peut être beaucoup plus. Quelque chose qui n'est pas de sa noix, c'est ça en général? Oui, un manque de tzniut. Manque d'une conduite immorale, ça veut dire quelque chose d'immoral, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être... qu'elle discute avec des hommes publiquement, etc. Elle prend un café avec un homme. Ça peut être beaucoup de choses. Il n'est pas obligé. Ouais. Là, il n'est pas obligé de la divorcer. Il y a une mitzvah de la divorcer. Il a une mitzvah de la divorcer. La seule temps qu'il aura une obligation de la divorcer, comme on voit dans la Gemara, c'est juste quand il y a deux témoins qui viennent, qui disent, voilà, on a vu cette femme, elle a cohabité, elle a eu des relations avec cette personne, là, il est obligé de la divorcer. Il ne peut pas rester avec elle. Même s'il dit, non, que j'aime ma femme, etc., on lui dit, tu ne peux pas rester. Je suis là-bas, parce que je vais commencer. Je vais commencer. 35. Non, pas ça, ok. Bon, très bien. Ça, c'était Beit Shammai et Beit Hillel. Beit Shammai, maintenant une question sur Beit Shammai. Beit Shammai, hay davar may avdile. Maintenant, Beit Shammai, qu'est-ce qu'ils font avec. Comment est-ce qu'ils vont expliquer le mot davar? Davar. Oui. Alors, Nehemar Khan, la Gemara répond très simplement. Ici, c'est écrit davar. Oui, Ervat davar. Venehemar lealan davar. Oui, plus tard on trouve concernant des témoins, c'est écrit davar. Le verset c'est écrit comme ça. Alpi shne edim ou al shlosha edim yakum davar. Ça veut dire pour avoir un témoignage valide, il faut au moins deux ou trois témoins. C'est-à-dire pour ce davar qui est grave, cette chose qu'elle a commis et qui a nécessité des témoins, pas quelque chose qu'elle a fait. Voilà. Le vent lui a enlevé la paix, elle s'est pas recouvert la tête. C'est ça. Donc, alors, c'est ça qu'est-ce que Beit Shammai te dit, c'est ça. Alors Beit Shammai, ils te disent, mal et Alan, comme que là-bas, concernant le témoignage, c'est écrit Beshne Edim, Afkan Beshne Edim. Même ici, concernant Oui, concernant qu'il a divorcé, il faut deux témoins. Ça veut dire, quand est-ce qu'un homme est obligé de la divorcer? C'est quand il y a un témoignage d'au moins deux témoins. Là, il a une obligation de divorcer sa femme. C'est ça que ce que le verset ici, il est en train d'apprendre. Qui matzaba ervat davar, pour la divorcer, qu'il est obligé, c'est quand il y a deux témoins. Au moins deux témoins. Alors, c'est ça que ce que le mot, selon Beit Shammai, davar est venu nous enseigner. Comment on appelle ce principe déjà? Zerachava. Exactement. Zerachava, qu'on trouve deux mots semblables dans deux différents versets, et on applique les lois qui s'appliquent dans ce verset, dans ce contexte, à notre contexte. Alors maintenant, pour Beit Hillel, qu'est-ce qu'il fait lui avec ça? Ah, mais non, Beit Hillel, ils vont demander une question sur Beit Shammai. Ou Beit Hillel, Miktiv, Erva, Badavar. Une seconde, Beit Hillel. Beit Hillel aussi, ils sont d'accord que s'il y a deux témoins, il est obligé de la divorcer, certainement. Ils sont d'accord. Mais le Davar est venu m'enseigner qu'il faut deux témoins. Oui, deux ou trois témoins. Alors le verset, il aurait dû dire « Ki matza ba erva ba davar » qu'il a trouvé une dvar et erva avec deux témoins. « Ba davar » Alors ça se peut... C'est-à-dire pendant l'acte, et c'est comme si littéralement elle est prise sur le fait. Voilà. Voilà. Elle a été prise sur le fait qu'il y avait deux témoins. Alors, puisque le verset ne dit pas Kimatsava Erva Badavar, et il dit Erva Davar, c'est pas nécessairement venu m'enseigner ici cet halakha. Beit Shammai, ils ont la même question. Miktiv O Erva O Davar. Et vous, Beit Hillel, que vous dites Erva ou Davar, c'est pas écrit Erva ou Davar. Ça veut dire, employant votre même logique, vous avez une question sur votre opinion aussi. Ouais. C'est pas écrit Erva ou Davar. Alors, Beit Hillel, ils nous disent Le achikti Erva Davar. Le mashmaachi ou mashmaachi. C'est pour cela, Beit Hillel, ils disent oui, vous avez raison. Mais. Puisque c'est écrit Erva Davar, c'est venu m'enseigner les deux halakhot. C'est venu m'enseigner que Erva Davar, avec deux témoins, il aurait une obligation de la divorcer. Et c'est venu m'enseigner aussi où Erva ou Davar, il a la permission, ou il a une mitzvah, s'il veut la divorcer, de la divorcer. Et comme ça, Beit Shammai et Beit Hillel, chacun a leur. Selon leur raisonnement, ils sont d'oresh le verset. Maintenant, on arrive maintenant à Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit comme ça. Rabbi Akiva, l'opinion de Rabbi Akiva, s'il trouve une femme plus jolie que sa femme, il a le droit de la divorcer. Quelle est la source de Rabbi Akiva? Il dit comme ça, Bema et Kamif Lege. Be derish Lakish. Les différences d'opinion, c'est intéressant. Moi, quand j'ai étudié cette Gemara, j'ai pas vraiment compris pourquoi la Gemara nous ramène ça ici maintenant. Elle aurait dû nous amener avant la discussion de Beit Shammai et Beit Hillel. Parce que Beit Shammai et Beit Hillel aussi, ils ont la même discussion. Oui, mais sûrement que peut-être que Rabbi Akiva, il est d'accord avec eux, juste lui vient ajouter autre chose, un troisième point. Rabbi Akiva, c'est sûr qu'il est d'accord avec Beit Shammai et Beit Hillel. En général, c'est comme ça. Non, ça veut dire que Rabbi Akiva, il dit certainement, si lui, il dit, il trouve une plus belle femme, il peut la divorcer. Ça veut dire c'est le troisième point. Certainement que s'il trouve Erva Davar, il a le droit de la divorcer. Il y a vraiment dans l'échelon des affaires, c'est ça. Beaucoup moins grave. Ouais, c'est beaucoup moins grave. C'est moins grave. Non, donc, c'est pas ça que je voulais dire. Certainement d'accord c'est avec pas ça que je voulais dire. Ça veut dire qu'il est d'accord avec la discussion entre Beit Shammai et Beit Hillel. Lui, juste, il vient Mugdash, un autre point. Un peu plus encore détaillé dans un cas qui pourrait arriver qu'il trouve une femme plus jolie grave, que sa femme. Moins grave, pas plus. Je parle pas de grave ou pas grave maintenant. Je parle d'un cas où il pourrait trouver une femme. Est-ce que ça rentre dans le davar? Je comprends. Ou est-ce que ça rentre dans l'erva? Parce que le fait, l'autistakel, l'erva de davar. Dans le cas où on regarde quelqu'un qui regarde une femme. Pour pouvoir trouver une femme jolie, il faut déjà qu'il la regarde. Donc déjà, est-ce que c'est déjà une chose que. Normalement, qui est interdit. Et la deuxième chose, est-ce que ça rentre en ligne de compte d'un davar ou un ervat davar? Est-ce que c'est une chose ou c'est ervat davar, une chose qui est maous, qui est pas belle pour. Ok. Bon, ici, la Gemara rapporte un autre point. le verset, il dit l'on fasse sur un mot. Qu'est-ce que le verset dit? Ki matzaba ervadava. Le mot qui, c'est quoi qui? Ça peut être beaucoup de choses. On avait expliqué ça. Ça peut être quatre choses. Rish Lakish il dit qui, peut-être. Non, alors comme ça, je vais le dire à l'intérieur. Bema kamifligi. C'est quoi la différence d'opinion? Mais Rish Lakish, ils ont une différence d'opinion concernant ce que Rish Lakish, comment est-ce que Rish Lakish il explique le mot qui. D'amar Rish Lakish qui meshamesh bedalet lo shanot. Rish Lakish il dit qui peut être employé dans deux cas différentes façons. Expression. I peut-être. Si. Excusez-moi. Et si. Dilma peut-être. Ella. Seulement. Non. Seulement Ella. Même. Elle a une quête, ça veut dire. Peut-être que. Même si. Non, je les avais écrits ici, une seconde. Ah. Je les avais écrits ici très très bien. J'avais fait après, je dis elle voilà. Seulement si, dans ce cas. Peut-être, elle a, mais. Pas même. Elle a, imken, mais si tu veux comme ça, etc. Ouais. Déra à cause que. Ah oui, déra à cause que. À cause que. Alors qui, etc. Alors maintenant, dépendant de ça, comment chacun de lui interprète... Oui. Qui, c'est en araméen ou en hébreu? Qui, c'est en hébreu. Ok. Oui. I, c'est en araméen. C'est ça. Inami. I, dilma, ok. Deha, betchama, et savre. Excusez-moi. Betchama, savre, vayayim, lo matzachel, menav, ki matzaber, vadavar. Ah, très simplement. Betchama, ils expliquent comme ça. Quand le verset dit, vaya, si elle trouverait pas grâce à ses yeux... Pourquoi elle n'a pas cloué grâce? Qui a la Erodava? Parce que si elle n'a pas trouvé, parce que si il a trouvé Erodava, elle n'a pas trouvé, elle a pas trouvé de grâce. Si il a trouvé Erodava, ça veut dire que qui vient comme raison de ce qu'on vient de dire? Qui elle n'a pas trouvé grâce en ses yeux parce qu'il a trouvé quelque chose de immoral dans son comportement. Mm-hmm. Alors, c'est, selon Benjamin, on dirait que c'est beaucoup plus facile à comprendre. C'est très simple. Qui vient. Ça continue la première, part du, la première partie du verset. Qui matzabar vadavar. Deha matzabar vadavar. Puisqu'il a trouvé, ils interprètent alors Deha à cause qu'il a trouvé quelque chose de mal. Rabbi Akiva vient et dit il dit non. Qui, c'est une autre chose. Qui matzabar vadavar. Inami matzab ervadavar. Alors il dit si il a trouvé une ervadavar ou s'il a trouvé une plus belle que elle. Très simplement, qu'est-ce que le verset dit? Vaya imlo matzachem benav. Si il n'a pas trouvé, elle n'a pas trouvé grâce à ses dieux ou si il a trouvé une ervadavar, là il peut la divorcer. C'est-à-dire que le fait qu'il ait trouvé une femme plus belle, il va essayer de trouver des choses qui ne vont pas chez elle. Ah, ça, c'est, et oui, ça c'est le motif principal. Mais je, c'est pas ce que la Gemara dit, mais vous le dites. Mais, ça veut dire qu'il aurait pu. Très bien. Alors la Gemara, elle va parler de ça, que certainement que même si c'est la base pourquoi il fait ça, alors la Gemara, elle dit il est appelé. Un sanoua. Sanoua, c'est quelque chose qui a haï par Hateful. Akash Bokhu lui-même ne l'aime pas à cette personne. On va parler de ça. Il va trouver la raison de toute façon. C'est ça. Inami Matsab Ervadava. Point. Alors, ça, c'est l'opinion de Rabbi. De Rabbi Akiva. C'est quoi Nami? Nami, c'est. Inami. Nami, Mazé Nami. Non, c'est Inami. Aussi, un ok. Amar les Rav, papa les Rav. Assez intéressant. Quand on regarde maintenant dans le. Quand on regarde dans le Rambam et dans le Shulchan Aruch, quand on regarde dans le. Juste un petit commentaire, entre parenthèses. Quand on regarde dans le Rambam et dans le Shulchan Aruch, on a une règle très générale dans la Gemara. Bet Shammai et Bet Hillel, alakha ke Bet Hillel. L'alakha le Bet Hillel. Le Mashiach yavo, comme Bet Shammai. Quand Mashiach va venir, ça va être comme Bet Shammai. Très bien. Mais aujourd'hui, l'alakha que Bet Hillel. Ça veut dire que. Que. Une personne. Aujourd'hui, comme d'après. Il dit Khatav Shilo. C'est ça là. Si elle a brûlé son plat. Quand on ouvre le Rambam, on regarde que Rambam, il dit comme ça. Alié Maher Adam le Garech et Tishto Arishona. Elle a imba imatsa barvad davar. Une personne ne devrait pas être rapide à divorcer sa première femme, à moins qu'il a trouvé quelque chose d'immoral. De toute façon, la femme qui sert à son mari un plat qui est brûlé, elle a le temps de refaire un autre plat. Si elle lui sert brûlé, c'est parce qu'elle veut lui montrer qu'elle elle veut lui brûler son plat. Et j'en ai marre de toi. J'en peux plus. C'est ça. Je te brûle. Je te brûle. Alors, c'est ça qu'on doit dire, une interprétation de Rashi aussi. Ça ne veut pas dire que elle a brûlé la pauvre sans par exprès. Non, de toute façon, moi, ma femme, ma femme, je me suis marié avec si elle, elle ne savait pas faire des œufs. Oui, mais il ne faut pas oublier non plus qu'on parlait de temps de la Gemara, il n'y avait pas non plus des villes où il n'y avait pas grand chose non plus à manger. Ah, mais elle a brûlé, quoi. Si elle a fait sans exprès, c'est certainement ce que Bet Hillel dit. Elle a brûlé sans par exprès le plat. On va la divorcer pour. Ah, non, ça y est, moi. Elle a mis trop de sel. C'est qu'elle va contre lui. Même c'est ça, parce qu'elle a trop de sel. C'est ça. Elle n'a pas besoin de mettre de sel. C'est ça. Elle a fait exprès. Voilà, elle a fait exprès. Hein. Larguise autant. Larguise autant. Pour l'énerver. C'est pour l'énerver, que pour lui faire. Pour, il revient parce du travail. Il revient du travail fatigué, il veut manger. Elle lui a gâché tout, elle veut juste les... Ça, c'est ce que, ce que Rashi dit. C'est qu'elle va contre son, le désir de son mari. Ras de Shalom. Oui. C'est-à-dire déjà, il a une raison déjà de la... Alors quel problème vous avez avec ce Rambam? Est-ce que vous voulez prier Milcha, Monsieur Lassri? Oui, je crois. On va arrêter pour deux minutes. Ok, alors ce que je voulais rapporter de ce Rambam, c'est comme ça. Je vais vous demander une question. Le Rambam, je répète, le Rambam il dit que une personne ne devrait pas être, ne devrait pas être rapide dans sa décision, dans sa décision de divorcer sa première femme jusqu'à que Matzaba Ervadava. Première, Dafka. Ah. Une seconde. Mais non, son opinion, elle suit qui? Je suis. Bet Hillel. Alors, Bet Shammai qui dit Ervad Dava. Mais là, vous avez, on avait une question. Comment est-ce que le Rambam peut trancher la halakha ou faire une décision de la halakha comme Bet Shammai? La halakha est comme Bet Hillel. Depuis quand? Depuis toujours. La halakha est toujours 90% comme Bet Hillel. Depuis qu'il existe Bet Hillel, c'est tout le temps depuis Bet Hillel. Depuis que Bet Hillel et Bet Shammai existent. Et n'oubliez pas, Bet Hillel et Bet Shammai, c'est pas Hillel et Shammai. C'est la maison de Bet Hillel. C'est les étudiants de Bet Shammai et les étudiants de Bet Hillel. Shammai et Hillel, ils avaient juste 3 machlokot. Tandis que leurs étudiants, ils avaient des centaines et des milliers de machlokot. Mais, alors je vous demande, selon le Rambam, comment est-ce que le Rambam peut trancher la halakha comme Bet Shammai? C'est impossible. La halakha est comme Bet Hillel. Alors, il y a une interprétation d'un très grand sage qui a écrit un livre. C'est Rabbi Yosef Matrani qui a vécu en Hatzfat. Et il a écrit un livre, il a écrit plusieurs livres. Il a écrit un livre qui s'appelle Get Mekushar. Okay. Dans ce livre, Get Mekushar, il écrit comme ça. Ce que Yossi vient de dire, si on regarde la langue du Rambam et du Shulchan Aruch, c'est écrit Aloya Maher Adam le Garesh et Ishto Arishona. Sa première femme. Ça veut dire que. Sa deuxième. Ça veut dire que quoi? Selon le Rambam. Selon toutes les opinions, selon Bet Shammai, Bet Hillel et Rabbi Akiva, sa première femme, il n'a pas le droit de la divorcer, à moins qu'il trouve une Ervad Dava. Alors, c'est quoi les différentes opinions ici? C'est dans sa deuxième femme. La discussion, selon cette interprétation dans le Rambam, la discussion de la Mishnah, ici, elle est juste concernant sa deuxième femme. Selon Beit Shammai, Ervad Davar, selon Beit Hillel, Igdir Hatafilo, et selon Rabbi Akiva, c'est Matsaja. Mais sa première femme, le Rambam, il dit, tu as pas le droit de, on a pas, il n'a pas le droit de la divorcer jusqu'à que, selon tout le monde, à moins qu'il trouve une Ervad Davar. Et toute la discussion de la Mishnah, c'est sa deuxième femme. C'est tout. Je voulais juste apporter un point. Ah, donc cette Mishnah, ça parle quand même de la deuxième femme ici. Selon l'interprétation du Get Metulchar dans le Rambam. Parce que quand on arrive au Rambam, on reste coincé. C'est impossible que le Rambam il est possédé comme le Beit Shammai. Alors si on regarde très bien dans la langue du Rambam, le Rambam il dit Lo Yemaer Adam de Garesh et Tishto Arishona. C'est Arishona. Sa première femme. À moins qu'il trouve quelque chose d'immoral. Mais sa deuxième femme, là on vient à la discussion des différentes opinions de Beit Shammai, Beit Hillel et de Rabbi Akiva. Ça veut dire qu'il aurait divorcé la première pour quelle raison? Juste s'il y a une raison immorale. Herva. Juste une herva. Et là, mais la deuxième... s'il a trouvé Igdir Hatafilo dans la première femme, il n'a pas le droit de la divorcer. Mais dans la deuxième, oui. Dans la deuxième, oui. Même si... Pourquoi cette gradation, je ne comprends pas. Bon, on va continuer. Non plus, je ne comprends pas ça. Pourquoi sa première femme et pas sa deuxième femme? Juste là dans l'herva d'avant et la deuxième, même le Tafilo, il a droit. La pauvre, pourquoi elle va payer pour la première? Comme c'est... Parce que lui, c'est encore Shor Mourad. Alors on va lui dire fais attention, tu épouses ce gars, c'est un caractériel. Si tu sais avec quoi avec, tu sais si, tu, ouais, si tu l'énerves hein, ouais. Pourquoi ces différenciations entre la première femme et la deuxième femme? La deuxième, la pauvre, elle perd une chance de ne pas être divorcée. C'est pas que la pauvre dans le sens où ok, elle lui a brûlé le plat. C'est qui? Prends nous, on est l'opinion de la halakha est selon Rabbi Beit Hillel, oui. Alors Beit Hillel vont te dire, regarde, selon cette interprétation du Rambam, Beit Hillel vont te dire, écoute, la première femme, on doit être un peu plus strict et tu n'as pas le droit de la divorcer à moins que tu trouves quelque chose de Hervat Davar. La deuxième femme, on est moins strict que toi, même si tu trouves quelque chose de qui te convient pas dans son comportement. Tu as le droit de la divorcer. Tu n'es pas obligé de la divorcer. Le problème, dans les deux cas, tu n'es pas obligé. Mais c'est ça, je ne comprends pas. C'est peut-être le problème. Il n'est pas juste sur la femme, il est sur l'homme. Pourquoi il a déjà divorcé une. Maintenant, il veut divorcer une deuxième parce qu'elle lui a brûlé le plat. Regardez, c'est une autre chose. C'est une autre chose, mais non. Une autre chose. La Torah et les Chachamim comprennent le comportement de l'homme. Oui. L'homme, il a une nature très différente de la femme. C'est pour ça que la Torah aussi lui a permis de se marier avec 4 femmes, selon la Torah, ou de se marier plus qu'une femme. Tandis qu'une femme n'a pas besoin jamais plus qu'un homme. Une vraie femme, ça lui suffit. D'abord, la raison pour laquelle un homme se marie, c'est qu'il doit faire des enfants. La femme, elle n'a pas besoin. C'est ça, elle n'a pas cette obligation. Elle a pas un... Mais non, oui, mais à part de ça, ça veut dire que la Torah, elle comprend aussi la nature de l'homme. C'est ça. Il a cette nature d'avoir même plus qu'une femme. Oui. Non, je parle de la nature de l'homme. Maintenant, la Torah elle vient de dire, écoute, on va en discuter beaucoup plus tard. Cet homme, au lieu qu'il reste marié avec cette femme, qu'il la déteste. Oui. Et on va voir ce que Rav Papa il va dire. Tu détestes cette femme et tu restes avec elle. Il va prendre une autre femme. Et cette femme elle va être la pauvre, une rejetée. Une serviteur pendant toute sa vie. Ouais. Alors qu'est-ce qui est mieux? Si elle te plaît pas, divorce-la. Ne reste pas avec elle en l'utilisant comme si c'était la serveuse à la maison ou la nettoyeuse. Il va prendre une femme plus jeune, etc. Et elle, c'est fini. Ouais. Alors là, on te dit, on comprend la nature de l'homme. Ne la garde pas. Et ce qu'on va voir plus tard, même les Nevi'im, ils ont fait une très grande tochacha au Bnei Israël sur ça, qu'on va voir plus tard. Et il y a une autre chose, que pourquoi la première femme et la deuxième femme? On dirait que dans la continuation de la Gemara, s'il y a quelque chose avec le Mizbeach il pleure sur la première femme et ça n'est pas dit sur la deuxième femme. On va en discuter de ça. Okay. Juste un point. Maintenant, Rav Papa. Amar le Rav Papa, le Rava. Maintenant, une question. Rav Papa, il demande à Rava. Lo matzaba, lo erva velo davar maru. S'il n'a pas trouvé quelque chose d'immoral ou... Qu'elle lui a pas brûlé son plat. Elle ne lui a pas brûlé son plat, il n'a pas trouvé quelque chose... Mahou. Mahou. Est-ce qu'il a droit de la divorcer? Amarle, très simplement. Midegal Rahman Agabe Ones. Lo yuchal eshalcha kol yamav. Kol yamav be'amod ve'erzir kai. Hatam hu degal Rahman avalach amai davad avad. Très simplement, il dit comme ça. Concernant une personne honnête, un honnête, honnête veut m'effater. Un violeur. Un violeur. Violeur. Ou un séducteur. Un séducteur, oui. Ça, c'est plus. Un séducteur qui a pris une betoula et il a séduit et il a eu des relations avec elle. La Torah, elle dit il faut qu'il paye à son père parce que le père, il a le droit au kiddushim de sa fille. Jusqu'à un certain âge, oui. Il a droit. Alors, il faut qu'il paye cette somme comme une amende. Père, comme une amende, et il est obligé de se marier avec cette fille. Il ne peut plus la... C'est un petit... Ouais, okay. Il peut plus l'abandonner. Et il peut plus l'abandonner. Non, ok, je ne vais pas entrer dans la logique de ça. On peut en parler après, mais avant qu'on rentre dans ton âge, comment est-ce que... Pourquoi une fille voudrait rester avec son violeur? Ça, c'est une question. Le gars, il l'a violé, on lui dit « Ah, t'as punition, tu dois rester avec cette femme. » Mais qui t'a dit que cette femme veut rester avec toi? Exactement. Okay. C'est une autre chose. Je ne vais pas en rentrer maintenant, on peut en discuter. Le cas général, c'est plus le méfaté que le violeur. Parce que dans la généralité, on va dire qu'il y a beaucoup plus de séducteurs que de violeurs. C'est 100%. 100%. Il y a aussi. Et la fille, la pauvre, elle est maganée. Et voilà. Il y a personne qui va vous voir. Voilà. Alors, vous avez tout compris. La logique, très simplement, que même dans le temps. Le méfaté. Mais là, il n'est pas marqué méfaté. Honnête. Il a violé. Oui. C'est la même chose, la méfaté. Et on ne tue pas. Faté veut honnête. C'est similaire. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Anas, Michon. Honnête. Il a forcé. Quoi, il a violé quelqu'un, hein, je ne sais pas. Hein? Il a tué. Mais on le tue. Il n'a pas pris une échama pour prendre la sienne. Mais il a volé les bétoulines. Il a volé les bétoulines, il n'a pas volé une bétoula. Dis-le, on a soumefaté. C'est pas bien. Regardez, la plupart... du honnête ou du méfaté, ici, quand on parle de... Vous êtes en train de... C'est pour ça, je veux pas en discuter encore. En Amérique, c'est la chose. Je savais que ça allait... C'est moi qui a causé tout ça, mais je vais juste finir avec le point ici. Ouais. Il y a une discussion, c'est une discussion. On peut en discuter après, mais juste finir le point. Ouais. Maintenant, le violeur, il faut qu'il paye cette amende et il reste avec cette femme toute sa vie. Ouais. Maintenant, après qu'il est resté avec elle un an... Il a divorce. Chaque moment qu'il n'est pas avec elle, il est ouvert sur un lave. Chaque moment. Et il est loqué? Ah, grande question. Très bonne question. Mais je vais vous dire pourquoi il n'est pas loqué. Il n'est pas ok et il n'est pas loqué. Il n'est pas loqué, il n'est pas ok. Il n'est pas ok, il n'est pas loqué. Ok. Il dit comme ça. Premièrement, chaque moment, il a divorcé, oui. La Torah t'a dit, lo yochal eshalcha kol yamav. Tu ne veux pas la renvoyer toute ta vie. Tu dois rester avec elle. Oui? Maintenant, la Torah, elle est d'Oresh, Kol Yamav. Pourquoi ce Kol Yamav? Qu'est-ce qu'il est venu nous enseigner? Que à chaque moment, il a une obligation de la retourner, d'être avec elle. Parce que, puisque, encore, sa punition, entre guillemets, c'est qu'il doit être resté avec elle toute sa vie. Il la divorce, il est ouvert sur un lave, une interdiction de la Torah. Lo yochal eshalcha. Kol yamav vient nous enseigner qu'il a une obligation de la retourner. C'est-à-dire qu'il la reprend, mais on ne le frappe pas. On ne le frappe pas. Pourquoi on ne le frappe pas? Parce qu'il y a un clat. Sur tous les laves, tous les laves, les interdictions de la Torah, d'habitude, une personne reçoit des coups de fouet. Malcote. Quand c'est un lave chez Enbo Maasé, par exemple, si c'est un lave qui n'a pas d'action, personne qui haït un autre juif, c'est un lave, l'autisne d'Akhikha Be'akha, Il y avait la fille qui a été violée. Elle ne peut pas faire autrement que haïr ce gars. À un moment donné, elle ne peut pas s'empêcher. Non, mais là, je pense qu'on ne parle pas de viol, je pense. Je pense que peut-être qu'ils se sont séduits. Elle voulait pas. Il a pris. Ce que la Gemara veut rapporter d'ici, c'est la réponse à la question de Rav Papa à Rava. Alors, je ne vais pas en discuter maintenant d'un honnête. Okay, okay. C'est une très grande discussion. On peut en parler après qu'on finit le point ici. Okay. Et il dit comme ça. Maintenant, il y a un lave, oui. Quand c'est un lave, quand est-ce qu'on reçoit Akmalkout? Quand il y a un lave et il y a un maasé. Il y a une action qui suit, ça veut dire... Il pourrait y avoir une atra'a aussi avant qu'il y ait malkout, non? Il n'y a pas de atra'a dans le cas de la... Non? Pas nécessairement, il faut qu'il... Quand il y a malkout, c'est pas nécessaire le lave. Non, pour la atra'a n'est pas nécessaire. Mais s'il y a un atra'a, il faut qu'il y ait trois atra'a. Il faut avoir une atra'a, etc. Alors, donc, dans le cas du honnête, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir de atra'a. Parce qu'il a fait en cachette, il a surpris, il n'y a pas de atra'a. Donc, on ne peut pas le frapper. Alors, une seconde. Avant ça, regardez. Alors, quand il n'y a pas une action, quelqu'un qui a mangé, chas de shalom, du khelev. Un lave juste sur le. Shogeg ou Mezid. Pour donner Malkot, excusez-moi, il n'y a pas besoin de Atra'a. Mais il faut avoir des. Il faut quelqu'un qui témoigne, qui le voit. Quelqu'un qui l'a vu. Et il a fait une remontrance. C'est ça. Okay. Quand est-ce qu'on a besoin d'une Atra'a? Quand c'est un lave, par exemple, comme Shabbat. Ouais. Que là il est obligé par exemple de ce qu'il a, oui, dans Shabbat. Alors là il faut avant qu'on il est puni par la mort, peine de mort, il faut lui donner une atra'a. Mais quand il fait un lave qui est juste sur le malkot, il n'y a pas besoin d'atra'a. Okay. Maintenant comme ça. Alors lave qui a pas de maasé, il n'y a pas une action. Quelqu'un qui a mangé du khelev, Il a transgressé une interdiction de la Torah. Il a mangé. Il y a une action ici. Quand il n'y a pas d'action pour haïr, il n'y a pas de malkot. Lav chez un bo maase, un lokim alav. Lav chez un bo maase, lo lokim alav. Quand c'est un lav chez nitak le ase, un lav qui est connecté ou attaché à un ase, un lokim alav non plus. C'est un klal. Ici, on a un lav. Il ne pourrait pas l'envoyer toute sa vie. Kol Yamav vient nous enseigner à chaque moment, il a une obligation de la retourner. Ça, c'est un assez. C'est-à-dire de la reprendre. De la remarier. Alors, c'est un lave, Lo Yochal Shelcha, Kol Yamav, qui doit la remarier. Lave, Shenitak La Ase, Lo Lokim Alav. Donc, on ne peut pas le frapper, mais il est obligé de la retourner. On pourrait même dire que sa punition, c'est de vivre avec elle et qu'elle ne le supporte pas. C'est ça. Alors, ça veut dire qu'il ne peut pas jamais la divorcer. C'est dur, mais. C'est très dur. He pays for it. That's right. He pays all his life. Exactement. Alors, maintenant, retournons à notre point. Et il dit comme ça. Il dit comme ça. Dans ce cas là-bas, il ne peut jamais divorcer sa femme. Très bien. Alors, c'est un cas spécifique que la Torah nous a enseigné. Mais dans une autre femme qui n'est pas un anus ou un mefaté, il peut la divorcer. Même s'il n'a pas ni erva ni davar. À partir de ça, on peut comprendre. Encore. Ah. Rav Papa, il a demandé à Rava, s'il n'a pas trouvé de Erva, et il n'a pas trouvé de Davar, est-ce qu'il peut la divorcer ou pas? Est-ce qu'il a le droit de la divorcer? Alors, il lui dit simplement, regarde, on a un cas que la Torah nous a enseigné, celui d'Ones, qui ne peut jamais la divorcer. Et puisque la Torah a désigné un cas spécifique, ça veut dire que ça s'applique juste à ce cas et pas dans tous les autres cas de la Torah. Ça veut dire une femme régulière, s'il a, même s'il n'a pas trouvé une arva, il n'a pas trouvé de davar, il n'a aucune raison, il veut la divorcer pour que ce soit n'importe quelle raison qu'il a, il a droit de la divorcer. Okay. Ça, alors, répondant à la question de Rav Papa, Rav Papa, comme ça, il répond. À quelle heure on fait le pont, Jean ? Il y a 4 minutes, il y a arbitre. 4 minutes ? Dans 4 minutes, arbitre. 9h10. 9h10 ou 9h12. Avec une musique comme ça, on se met à danser. On n'a pas le temps de prendre le téléphone. Il dit comme ça. Un autre din, un autre cas. Amarle Rav Mecharcha le Rava. Rav Mecharcha, il demande à Rava. Imli bol et garcha, si il a, il veut la divorcer, il a l'intention de la divorcer. Il a décidé de la divorcer. Viyoshev et Tartav. Elle est toujours mariée, ça veut dire elle est toujours. Ou Mecham Sheto. Et elle le sert, etc. Ça veut dire, elle reste avec lui, c'est sa femme. Mahou. C'est-à-dire, elle ne le sait pas. Sous-entendu, elle ne sait pas. Elle ne sait pas qui veut la dire, c'est ça. Lui, ça le convient. Ça veut dire, il veut pas, il veut la divorcer, mais il reste avec elle parce que c'est convenant pour il lui. Il n'a pas de chose de mieux. Il n'a pas de chose. Elle lui fait la vaisselle, elle lui fait truc, machin. C'est quand même parfait. Est-ce qu'il a le droit de rester avec elle? Car il allait. Alors le Michelet, il dit, Al tichra shalre echara'a. Ne pense pas de mal sur ton prochain, vous Yoshev la vetar, et lui il reste tranquillité. Il reste tranquille, il tra. C'est-à-dire tu abuses de quelqu'un qui ne sait pas, qui ne sait pas tes intentions, que tu es en train de l'abuser quoi. C'est ça veut dire ça te convient et tu es en train de l'abuser. Heureusement on meurt à ta sève. Hein? Gezeldat. C'est Gezeldat. Il n'a pas le droit de rester avec elle. Ça veut dire en d'autres mots, si un homme. Ah ouais. A l'intention de divorcer cette femme jusqu'à qu'il trouve quelque chose de mieux, on va dire. Parce que peut-être qu'elle aussi, s'il a oui, jusqu'à que, je ne sais pas, malheureusement, on entend, il y a plusieurs histoires. Un homme qui est marié avec une femme, et il a rencontré une autre femme, elle aussi elle est mariée, mais elle est en état de divorce. Lui, il pense de divorcer sa femme, mais il attend jusqu'à que l'autre elle finisse bon, son. Son. Yeah, malheureusement, ça existe. Ça existe. Lui, il a attendu jusqu'à que l'autre ait fini avec son mari pour qu'il ait sa femme. En attendant, ça le convient, il vient à la maison, tout est prêt, le oui, dîner, les comptes en banque sont là. Les comptes en banque, et il fait. Et il fait en attendant. Il n'a pas le droit de faire ça. S'il veut la divorcer, là, c'est la divorcer. Il ne peut pas rester avec elle. Si elle ne veut pas. Mais elle ne sait pas, elle ne sait pas. Non, il avait dit. Si elle savait, elle lui brûlerait le plat. Non, il avait dit, ouais. Mais là, il va peut-être, oui. Elle lui brûlerait le plat. Elle le brûlerait lui avec le plat. Si lui, il vient, il dit, oui, je veux te divorcer. Aux Indes, ils brûlent les femmes. Et elle, elle dit, je ne veux pas. C'est conscient de ça, Rabbi. Aux Indes, chaque année, 30 000 femmes sont brûlées par le mari. 30 000 femmes. Ce n'est pas qu'il brûle le plat, elle brûle la femme au complet. Voilà. Ça, c'est 30 000, ça rendit arabe, c'est statistique. Non, arabe. Hind. Ah, ben, on est de retour. Mais je t'en ai dit, je suis maintenant. 30 000. Tov là. Mais attends-toi, Abouti. Tenez, on va aller pour les faire pichons, c'est bizarre. Il trouve une autre. Inch'Allah, il date, il a été traité. Des fois, c'est la belle-mère qui le fait. Mais t'as dit, non, c'est bizarre. On t'en a donné les chars et tout. Arzari. Arzari, c'est pas possible. Tant que lui, s'il veut rester avec elle, et ça le convient. Ça fait 30 000. S'il veut pas. Elle l'a pris, c'est le moment là. Non, mais là-bas, c'est. Il me l'a retiré le cabal grec. Ah, il y a Rolan et Cher, bien. Si elle veut pas prendre un guet, dans certains cas, elle peut avoir une dîme de morédette. Ah, quelle. De toute façon, une fois qu'il a touché avec le guet, elle a le choix de dire non. Elle peut dire non. On peut pas. Il y a un dîme que Rabbeinu Gershon il a rectifié qu'un homme ne peut pas donner un guet à une femme. Il ne peut pas obliger à donner un guet. C'est ça. Baal Kacha. Il ne peut pas.